parler du pourquoi de la création de l'univers. Mais ne voulant pas offenser ceux qui sont venus à cause de la punition. Je vais commencer par parler du fait que vous n'avez jamais été jeune. Alors, évidemment, je me sens de plus en plus à l'aise de parler de ce qui a engendré l'univers. S'il y a des problèmes de son, ça va s'arranger rapidement, ça ne vous en va. C'est intéressant de constater lorsque nous sommes dans un phénomène d'évolution, dans un phénomène de conscientisation évolutive, c'est que nous avons chez nous, dans notre corps, dans notre ego, dans notre astral, dans notre mémoire, des traces de ce que nous pensons avoir un jour été. Et si nous pensons un jour avoir été jeunes, nous allons nous fier sur cette jeunesse pour engendrer des illusions ou encore pour déterminer des probabilités de ce que nous voulons être ou de ce que nous allons être. La majorité des problèmes psycho-affectifs, psychologiques, psycho-affectifs, psychologiques tout court, chez l'être humain, naissent du fait qu'apparemment, dans leur enfance, il y a eu tel ou tel problème. Alors que dans la réalité des choses, ces êtres humains n'ont jamais été jeunes. Et évidemment, vous non plus, vous n'avez jamais été jeunes. L'être humain n'a jamais été jeune du point de vue cosmique pour la simple raison qu'il n'y a jamais eu de début. Mais l'être humain n'a jamais été jeune non plus, même dans son corps physique. Alors, vous n'avez jamais eu de corps physique. Vous avez toujours eu le corps physique que vous avez présentement. Vous n'avez jamais eu d'autre corps. Et c'est une illusion de la mémoire, de l'astral, de la conscience, qui essaie de faire en sorte de préserver la vie d'une mémoire au travers de votre conscience astrale qui vous donne l'illusion d'avoir un jour été jeune. Mais on parle de la jeunesse, on peut parler de n'importe quoi d'autre. Vous n'avez jamais été ce que vous pouvez vous imaginer avoir été il y a de ça 10 ans. Et la compréhension de ce que je vais expliquer permet de libérer une grande partie de la descente supramentale chez l'homme, chez la femme et chez l'enfant, par le simple fait que l'être humain se rapproche beaucoup plus de l'instantané, en abandonnant totalement, dans la digestion des énergies, les mémoires qui sous-tendent l'explication de son instantané. L'ego de l'homme est un ego possédé. Autrement dit, vous êtes tous possédés. Possédés par un phénomène luciférien, le double ancien. Possédés par un phénomène absolument humain, 1 à 10% de ce qui constitue l'ego, dépendant de l'âge de l'individu. Et possédé aussi par le corps physique, par sa limitation, par son système d'évolution animale sécrétatoire. Et possédé aussi par de l'intelligence, de la conscience instantanée. L'être humain est finalement un agglomérat de possesseurs qui exprimé dans sa condition événementielle, dans sa vie, ne peut faire autrement que d'exprimer de la possession. Il n'y a pas de libre arbitre. Il y a une conscience libre. Il y a un astral libre. Il y a un corps physique libre. Il y a des atomes libres. Et tout cela est libre seulement et seulement si il ne se fusionne pas pour créer une forme d'expression. À l'instant où la matière touche de l'astral, à l'instant où l'astral touche de la matière, il y a une manipulation, la liberté, la liberté disparaît. À l'instant où la conscience touche de la structure planétaire de l'homme, à l'instant où, l'intelligence instantanée touche la structure neuronique, la structure endocrinienne, ce qui permet à l'astral, ce qui permet au corps physique d'être, elle perd son liberté. De ce fait, l'homme est l'alliance entre une panoplie de constituants. Et l'alliance aussi entre l'instantané et le passé. L'alliance entre l'instantané et le passé fait en sorte que cela va engendrer chez nous une constitution qu'on appelle l'ego, qui a le privilège de s'associer à n'importe quelle forme de mémoire, et qui a aussi l'avantage de se collectiviser pour permettre l'association à travers les mémoires des autres, de sa trame à lui, lui permettant d'illusionner, d'imaginer qu'il a eu un passé, lui permettant donc d'avoir une réponse inconditionnelle à sa question conditionnelle. D'où je viens? Je suis venu au monde, j'ai été jeune, j'ai suivi une progression évolutive du point de vue biologique, ce qui par parallélisme me permet d'avoir l'idée que j'ai pu suivre une évolution du point de vue de la spiritualité ou du point de vue de la conscience. Sauf que nous savons ce que nous savons aujourd'hui, et nous l'avons toujours su. Il n'y a pas eu d'évolution. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, et nous l'avons toujours été. Il n'y a pas eu non plus de changement ou d'évolution. À un moment donné de notre vie, l'homme, la femme, l'enfant croient accumuler de l'expérience, accumuler de la mémoire. Ils croient aussi se libérer de certaines contraintes, se libérer de certaines choses. Ils croient acquérir autre chose. Chaque fois que nous acquérissons autre chose, nous mourons. Chaque fois que nous abandonnons quelque chose, nous mourons. Nous disparaissons totalement. Mais étant donné que nous sommes dans une structure créationnalisée, supportée par le temps, nous pouvons conserver dans notre âme l'illusion d'avoir été, et nous ne pouvons exprimer dans l'instantané que l'illusion de ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas exprimer ce que nous avons été. Nous ne pouvons exprimer que ce que nous sommes. Et ce que nous sommes a toujours été tel quel, ce qu'il est. Lorsque nous nous rappelons notre jeune temps, nous jouons dans l'astral. Nous nous approprions les mémoires de quelque chose. Nous illusionnons notre ego d'avoir été autre chose. Et cela sécurise l'ego parce qu'il est assujetti dans son évolution à une forme de cartésianisme mathématique qu'il peut appeler l'extrapolation et qui doit être supportée par une courbe, une tracée, une droite qui provient de quelque part et qui rejoint un point focus, le point d'instantané où il se trouve. Et à partir de cela, sécurisé, il laisse la droite se poursuivre dans l'avenir et il croit connaître un peu ce qui l'attend. Alors il s'assujettit à une droite qui ne lui appartient pas, qu'il appelle le vieillissement. Il s'assujettit à une droite qui ne lui appartient pas, qu'il appelle l'évolution. Nous n'avons jamais été jeunes, nous avons toujours été ce que nous sommes aujourd'hui. Demain matin, quelque chose qui existe présentement et qui atteint un corps physique possédera votre corps physique. Totalement. Le possédant totalement, il pourra aussi dire hier. Parce que ce qui présentement possède les corps physiques au fur et à mesure de déplacement du temps et de l'espace sur eux-mêmes n'a pas encore la puissance digestive d'absorber intégralement les énergies qui ont constitué ceux qui étaient là, qui n'ont jamais été vous, mais qui ont animé le corps physique qui n'est même pas le vôtre, pour permettre à l'illusion placée dans la matière d'avoir l'impression d'une continuité évolutive, ascendante ou involutive, ascendante, de façon à mieux préserver l'image de l'ego, l'image de l'astral, l'image de la mémoire, dans un continuum instantané appelé le passé, qui groupe apparemment, étant donné la vitesse de déplacement de la conscience astrale qui groupe la première année de votre vie au millionième de seconde qui vient de passer, qu'on appelle « j'ai été ». Je fus. Le corps physique que vous avez présentement n'est pas le résultat évolutif du corps physique d'hier. Êtes actuellement n'est pas la résultante évolutive de ce que vous avez été. À un moment donné, dans la vie d'un humain, il laisse son emploi, il déjette un petit bout de temps et il se lance dans quelque chose de neuf. Ce n'est pas le même corps physique, ce n'est pas le même personnage. Et s'il dit « j'ai un jour été ceci », il s'amuse. Il s'illusionne, il se sécurise, il se supporte. Il prétend qu'il est aujourd'hui ce qu'il est à cause de ce qu'il a été. C'est un jeu plaisant. Même celui qui évolue et qui s'accoupe psychologiquement et physiquement à des traces du passé qui devraient l'empêcher d'évoluer, poursuit son évolution possessive ou sa possession ascendante, mais il en souffrira. Parce que la condition mémorielle auquel il s'assujettit, l'assujettit totalement au médiocrisme. Se laisser être ce que nous sommes veut dire cesser d'être ce que nous avons cru être. Cesser de vouloir être la résultante de ce que, dans l'illusion astrale, nous pensons avoir été. Cesser de vouloir accomplir dans l'instantané la trace d'un passé. Se laisser être, c'est essentiellement ne jamais avoir été. Si nous voulons conserver l'idée que nous avons été, si vous dites « hier, c'était place », vous acceptez comme étant une condition essentielle de la réalité la possession astrale d'une mémoire morte qui peut, selon la condition évolutive de l'humain lui avoir appartenu, mais qui, dans l'essence même de la réalité, n'a jamais été autre chose que trace astrale. J'ai déjà dit à un moment donné que vous ne pouviez prouver qu'il y a eu une panne majeure d'électricité au Québec. Étant donné l'accueil par les égaux des salles à qui je l'ai dit, je n'ai pas été plus loin. Certains, tout à l'heure, m'ont parlé d'un tremblement de terre. Ces personnes viennent du Saguenay. Mais ces personnes sont dans l'illusion totale. Il n'y a jamais eu de tremblement de terre. Que ont vécu? Jamais. Et ils ne peuvent pas me le prouver. La seule preuve qu'ils peuvent me donner, l'illusion, c'est que des milliers, sinon des millions, d'égaux, semblent se rappeler tremblement de terre. Ça ne fait que prouver que la collectivité des consciences reste accouplée, mariée à de l'illusion. Parce que tous ceux qui ont en mémoire l'image du tremblement de terre, vous ne l'avez jamais vécu. À un point tel qu'à un moment donné, certaines consciences plus évoluées se diront, est-ce que j'ai imaginé? Vous ne l'avez pas imaginé, vous êtes possédé par des trames de l'espace-temps créationnel qui ne vous appartiennent pas mais qui cohabitent avec vous dans une structure qu'on appelle le corps physique et dans une structure énergétique qu'on appelle l'astral, la mémoire, mais vous n'avez jamais vécu. Par contre, il y a chez l'humain une possibilité de refuser la transformation tout en laissant écouler au travers de sa structure atomique le temps et l'espace. Et ça, c'est primordial. Dans la constitution d'un troisième cerveau, c'est-à-dire d'un dopétérique, de façon à ce que le dopétérique que vous constituez reste attaché à l'image endoformique planétaire qui sert de moule à la création du topo. Autrement dit, tant que vous allez continuer à évoluer, chaque fois que vous allez vous égoïser, l'énergie engendrant le dopétérique sert à créer un dopétérique neutre qui ne peut pas vous appartenir parce que vous évoluez, et qui appartiendra à n'importe quel individu qui, à un moment donné, bloquera son évolution, deviendra plus stable et en aura besoin. L'évolution, c'est l'accumulation des mémoires et c'est le déplacement d'une conscience à travers une illusion. L'être humain n'évolue pas. Les changements sont des mécaniques illusoires auxquelles on ne doit plus adhérer. Il y aura toujours des déplacements atomiques sur des trames. Un enfant reste un enfant jusqu'au jour où il cesse de l'être. Alors il change. Celui qui apparaît dans son corps physique dira « J'ai été jeune. » Il a tué l'enfant. Maintenant, il doit le digérer. Mais celui qui dit « J'ai été jeune » n'a jamais été jeune. Il y a un instant où il prend possession du corps, le corps change. Parce que ce corps n'est pas la résultante du corps enfantile d'avant. C'est un résultat ajusté à ce qui présentement s'exprime dedans. Et il est absolument illusoire de prétendre qu'un adolescent doit nécessairement découler d'un enfant, qu'un adolescent ne peut pas naître tel quel de lui-même, adolescent, sans jamais avoir connu l'enfant, ou même sans jamais avoir été engendré par une mère. C'est l'illusion. Il y a énormément d'humains sur la planète Terre qui sont adultes et qui n'ont jamais eu de parents. Plusieurs vont dire « Oui, mais j'ai eu un père et une mère, je m'en rappelle. » Et on leur demande « Présente-moi-les. » Et ils disent « Ah, ils sont morts depuis longtemps. J'étais jeune lorsqu'ils sont morts. » Ces adultes sont apparus. Ils n'ont jamais eu de père. Ils n'ont jamais eu de géniteur. Et la seule preuve qu'ils ont à donner, c'est la quantité d'humains qui prétendent avoir connu ses parents. Mais ces humains ne peuvent que dans l'illusion prouver leur vision. Le passé n'a jamais existé. J'ai déjà expliqué qu'à un moment donné, les dinosaures se sont mis à exister en tant que fossiles, parce que l'humain en avait besoin pour expliquer des choses. Que Napoléon s'est mis à exister dans la conscience de l'homme, parce que l'humain avait besoin de passé pour expliquer des tournures événementielles dans sa conscience historique. Il n'y a même jamais eu de crash boursier. Les individus qui disparaissent n'ont jamais existé. L'individu qui existe, lorsque vous voyez son image disparaître, existe ailleurs. Il n'a pas disparu. Mais l'illusion de la perception que nous nous faisions de lui change, parce que subitement, nous venons d'être possédés différemment. Tous ceux qui ont déménagé n'ont jamais déménagé. Tous ceux qui ont vécu le déménagement étaient des déménageurs. Ceux qui habitent sont des habitants. Alors, on parlait de vieux locaux. Nous n'avons jamais été là. Nous avons toujours été sur la rue Saint-Denis. Et si un jour nous sommes sur la rue Sainte-Catherine, nous n'aurons jamais été sur la rue Saint-Denis. Nous l'aurons cru. Ou il y a des individus qui y auront été. Et lorsque ces individus auront cessé d'être ce qu'ils doivent être, ils disparaîtront. Et la conscience instantanée permettra l'expression dans l'illusion mémorielle de l'humanité que c'est sur la rue Sainte-Catherine que c'est. Il n'y a jamais eu de Deuxième Guerre mondiale, ni de Première. Il y a des livres qui donnent des photos aujourd'hui. Et ces livres existent aujourd'hui. Ils n'existaient pas à l'époque. Ce sont des preuves comme quoi les livres pleins de photos existent. Ce ne sont pas des preuves comme quoi le passé a existé. La conscience de l'homme, de la femme et de l'enfant, parvenir à l'instantané, doit totalement se libérer des traces. Exactement comme ici à côté de vous, une personne recevait un obus, elle éclate. Son sang gicle partout et vous recouvre. Et vous mourrez d'une crise de cœur, convaincu d'avoir été touché par le but, et voir votre sang comme ça couler, foutu. Mais ce n'est pas votre sang, vous n'êtes pas blessé. Ici, dans votre limitation de conscience, vous n'avez pas vu d'où vient le sang, vous ne pourrez jamais croire ce que je dis. Vous allez ramper à terre, avoir de la difficulté, courir vers le médecin, peut-être mourir en cours de route, parce que vous êtes recouvert du sang d'un autre. Arrive lorsqu'on se blesse. Au lieu de se transposer instantanément dans une trame neuve, on conserve dans l'illusion de notre conscience l'expérience mémorielle qui ne nous appartient plus. Alors on reste dans l'illusion d'être blessé. L'homme, la femme, l'enfant sont des constituants immobiles à travers la création. La perception de la conscience, elle est mobile. Et nous devons devenir suffisamment puissants pour imposer notre immobilité à la collectivité qui est notre conscience astrale mobile. Quelle est la différence entre rouler sur une autoroute à 100 km à l'heure ou être totalement fixe et laisser la Terre tourner dans le sens inverse à 100 km à l'heure? Est-ce que nous dirigeons vers les arbres ou ce sont les arbres qui se dirigent vers soi? Dans la réalité cosmique des choses, la conscience est immobile et ne peut se déplacer. Ne pouvant se déplacer, elle n'est plus assujettie à l'espace-temps. N'étant plus assujettie à l'espace-temps, elle n'est pas créationnalisée. Elle n'est pas assujettie aux lois de la création. Et elle n'est pas assujettie aux lois de l'illusion. Pour que cela se fasse, imaginez que vous pouvez prendre le contrôle d'un avion ou d'un hélicoptère. Si vous décollez, c'est le sol qui s'éloigne. Vous êtes fixe. Si vous avancez, c'est tout qui bouge. Vous êtes fixe. Et c'est une réalité conceptuelle, une illusion réelle, beaucoup plus proche de la réalité de l'instantané que le collectivisme qui vous oblige à conserver l'illusion que vous déplacez. Dans l'évolution, la même chose. J'ai déjà expliqué que l'on se déplaçait dans les trois dimensions et que l'on peut aussi se déplacer dans la quatrième dimension, le temps. J'ai expliqué que lorsqu'on donnait rendez-vous à quelqu'un, on lui donnait des coordonnées tridimensionnelles et une quatrième temporelle. On lui disait que nous l'attendions au coin de Sherbrooke, de Berry, au deuxième étage, dimensions. À 13h, quatrième dimension, le temps. Nous devons de plus en plus travailler le déplacement temporel sans déplacement matériel. Nous devons être lundi matin à 2h à tel endroit. Alors, je vais me déplacer. Nous sommes dimanche, 5h. Dimanche, 7h. Nous devons nous déplacer pour être lundi, non, 12h, midi. Alors, je m'assois dans ma chaise et je me déplace dans le temps. Et lundi, midi, je me lève de ma chaise. Tous les autres ont continué leur déplacement spatial. local et temporel pour venir me rejoindre lundi midi dans un monde qui est celui que j'ai rattrapé ou celui où je suis resté. Les horloges auront progressé, toute la matière, tout ce qui est spatial sera déplacé, mais moi, je n'aurai pas bougé. Seul, le déplacement dans le temps. Dans le temps n'est pas un déplacement de vieillissement. Pour que l'illusion de vieillissement s'accomplisse, l'humain doit se déplacer dans le temps et dans l'espace. Quand l'être humain fait un déplacement temporel exclusivement, il déplace son corps physique à une vitesse vertigineuse. Il lui fait faire un bond. Alors, il n'a pas vieilli. À peine. Quand l'humain devient instantané, il est instantanément là ou dans le temps qu'il veut être. Et instantanément, son corps y est aussi. De ce fait, maintenant, il n'a subi aucun vieillissement. On devra travailler la guerre personnelle à dépendre de l'illusion matérielle et temporelle d'un déplacement pour être dans un endroit géospatial ou géotemporel particulier. Tous ceux qui ont encore l'illusion d'avoir pris leur automobile ou l'autobus pour se déplacer pour venir ici, vous n'avez pas compris. Parce que nous avons toujours été ici, dans cette Nous ne sommes pas déplacés pour venir. Une conscience astrale extrêmement illusoire a cheminé à travers des corps physiques dans une dimension planétaire qu'on appelle l'espace-temps pour venir s'asseoir et s'installer confortablement dans les corps physiques qui ont toujours été assis. Accouplé aux mémoires de déplacement, restent psychologiquement hantés par l'idée de leur déplacement. Et ils vont aller jusqu'à handicaper cette illusion par la fatigue du corps, la faiblesse du corps, l'ennui pendant le déplacement. Va être suffisamment instantané pour pouvoir bien écouter, discerner le changement de corps. Vous allez lentement progresser vers la stabilité corporelle. Vous ne changerez plus de corps. Ne changeant plus de corps, vous allez commencer à déplacer votre véhicule. Mais pas l'illusion de la forme, la forme, à travers le temps, à une vitesse telle que vous allez désassujettir totalement cette forme, de l'illusion de la forme qui contraint la conscience à un déplacement spatial et temporel vieillissant. Autrement dit, tout à l'heure, quand vous allez vous lever, vous avez la faculté d'énergisation et d'énergification suffisante, vous prendrez conscience que vous allez embarquer dans un corps qui se lève, pour embarquer dans un corps debout, pour embarquer dans un corps qui marche, pour embarquer dans un corps qui va aux toilettes ou qui va consommer des choses. Et quand vous allez revenir, vous allez encore être dans un corps en déplacement, et lentement, vous allez embarquer dans un corps qui s'assoit, et vous allez embarquer dans un corps qui sera assis, et comme présentement, vous n'aurez aucune preuve que vous avez pris une pause. parce que vous n'en aurez jamais trop. De l'illusionnisme. Celui qui a un truc pour faire apparaître le lapin est convaincu qu'il y a toujours un truc lorsqu'un lapin apparaît. Et il pourra dire, c'est de l'illusion encore plus perfectionnée. Vous n'avez jamais bougé. Vous avez toujours été où vous êtes. Et la vie, l'intelligence, accorde temporairement à votre faculté de vous illusionner du déplacement, donc de la vie, à votre faculté de vous illusionner d'être vivant, des conditions illusio-formiques, des formes illusoires, comme des automobiles, comme un lit, comme une maison, comme des vêtements, comme un paquet de choses. Mais toutes ces choses sont données par de l'instantané. Et étant donné que l'instantané a déjà réglé la mécanique du passé, toutes ces choses ne peuvent durer dans le temps. Alors, elles sont tous aléatoires. Elles apparaissent bien souvent lorsqu'on ne s'y attend pas. Elles disparaissent même si on veut les conserver. Tout dans l'illusion meurt. Les corps, comme les automobiles, comme les sociétés, comme les civilisations, comme les planètes, comme les soleils, comme les systèmes solaires, comme les univers. Et comme la création. Étant donné que présentement nous sommes très limités dans la conscience des illusions, dans la conscience de la forme, nous sommes supportés par suffisamment d'intelligence densifiée à un niveau formé pour permettre à notre conscience refroidie de conserver une certaine consistance, une consistance dans l'illusion lui permettant de supporter la consistance dans la conscience. Chaque fois que l'humain augmente son énergification, la structuration atomique par l'énergisation, chaque fois que l'humain augmente sa masse, il se désassujettit des changements. C'est-à-dire que chaque fois que l'humain augmente sa masse, chaque fois que l'humain parvient à se déplacer dans le temps plutôt que dans l'espace, l'humain, ce n'est pas le corps physique, l'humain, c'est la conscience. Chaque fois que la conscience parvient à se déplacer dans le temps plutôt que dans l'espace, l'intelligence lui donnera toujours ce que l'ego appellera la facilité, toujours ce qu'il a besoin lorsque c'est nécessaire qu'il l'aille. L'intelligence supramentale au travers le système laryngite de l'homme lui donne le savoir, c'est-à-dire qu'il lui donne ce qu'il a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire qu'il le sache. Cela oblige l'ego à vivre dans une insécurité telle que ne pouvant savoir d'avance, de façon à expérimenter par la mémoire, de façon à pouvoir se rappeler par la suite ce qu'il aura besoin de savoir, cela oblige un ego qui doit développer son centre laryngé par la parole, devenir orateur ou devenir quoi que ce soit d'autre, où la parole est utile, où le savoir vibratoire est utile, cela oblige l'ego à vivre sur une corde raide. Une corde raide où continuellement l'ego pourra se dire « Je... » Je saurais peut-être ce que j'aurais à dire, mais je ne saurais peut-être pas ce que j'aurais à dire. Toute forme de conscientisation, ce n'est pas de l'évolution, qui rapproche l'humain de son être-té total, d'une fusion plus massive avec un double éthérique, donc de l'immortalisation de la forme et non pas de l'illusion de la forme, l'illusion de la forme disparaît, c'est le corps physique. La forme, ce qui donne le corps physique, ne disparaît pas. Elle recrée des illusions. d'autres genres physiques par réincarnation successive. Celui-là sera toujours assujetti à vivre sur la corde raide. C'est-à-dire qu'il ne saura jamais avant de le dire ce qu'il devra dire. Cela veut dire qu'il ne saura jamais financièrement ou qu'il n'aura jamais financièrement ce qu'il a besoin d'avoir tant que ce ne sera pas le temps qu'il l'aille. Cela veut dire qu'il n'aura pas le corps qu'il a besoin d'avoir tant que ce ne sera pas le temps qu'il l'aille. Cela veut dire qu'il n'aura pas le résultat ou l'efficacité qu'il demande tant que ce ne sera pas nécessaire qu'il l'aille. Cela veut dire qu'il ne pourra pas expérimenter dans l'illusion de la conscience astrale avant que la réalité demande son implication formelle. Cela veut dire qu'il devra être actif dans la conscience et dans l'attente dans l'ego. Cela veut dire que tant qu'il est encore dans un mélange inextricable de conscience, il devra vivre dans l'attente active. Pour parvenir au désassujettissement total, l'homme, la femme et l'enfant doit se libérer de l'expérience, donc du passé, donc de la sécurité. S'il parvient à se libérer totalement de la sécurité, donc de l'insécurité, il sera, du point de vue de l'ego, totalement sur une corde, une lame de rasoir, et il se demandera toujours s'il va tomber, et s'il tombe, dans quel côté il tombera. La problématique, c'est que sur l'intelligence, sur l'instantané, c'est encore plus ténu que le tranchant d'une lame de rasoir. Et dans l'instantané, on ne tombe jamais ni d'un bord ni de l'autre. Parce que si l'on tombe dans la luxure, dans la richesse, dans la facilité, dans le résultat, ou dans l'inverse, la pauvreté, le manque de résultats, la maladie, on est redevenu un animal humain. L'instantané, exprimé dans la courbure spatio-temporelle ou dans les dimensions de la conscience illusoire de l'évolution, est réellement une lame de rasoir sur laquelle nous marchons. Est-ce que ça va aboutir? Ça n'aboutira jamais. Est-ce que ça va réussir? Ça ne réussira jamais. Mais si nous voulons vieillir, alors ça réussira ou alors il y aura échec. Par contre, sur la lame de rasoir, nous avons toujours, à la dernière seconde, ce que nous avons besoin d'avoir. Alors, celui qui se lance dans une conscientisation évolutive, beaucoup de ceux-là vont accumuler un potentiel de mémoire. La santé, l'argent, la matière, de l'information, de la mémoire. Et dans leur évolution, ils seront contraints à tout dilapider, à gaspiller leur argent dans des cours, dans des entreprises, à gaspiller leur santé, dans l'évolution, dans la brisure de forme, à perdre leur acquis pour les amener sur un tranchant de l'instantané où ils ne perdront rien de ce qui est harmoniquement ajusté à leur onde de forme ou à leur aristocratie énergétique. Mais égoïquement, ils ne seront jamais si dans une heure ou dans deux jours, s'ils n'auront pas tout perdu. Cela fait partie de la conscience de l'instantané. Nous n'avons jamais été jeunes, nous n'avons donc jamais été riches. Lorsque dans la structure astrale vibre clairement l'idée que je ne suis pas riche, je prends l'exemple, il y a une personne ici qui a de l'argent et qui veut suivre des cours avec son argent. Il n'est pas riche, il est en moyen. Si dans sa conscience astrale, je ne parle pas de la conscience mentale, elle évolue. C'est-à-dire en réalité qu'elle n'évolue pas, mais elle accepte les possessions de l'intelligence. Je parle des traces qui restent dans les ghosts, ce qui est encore accepté et qui ne sert à rien. Alors disons qu'astralement, si elle a la capacité astrale de vibrer, que son argent n'est pas son argent, mais est de l'argent, de l'énergie, et que n'importe quand quelqu'un lui dirait « j'ai besoin de cette énergie », et cette personne dirait « tiens, prends l'énergie, présentement je n'en ai pas besoin », cette énergie se repose chez moi, mais elle ne me sert pas. Elle sert mon ego du point de vue de la sécurité, mais je suis présentement en train d'aligner ma vie pour la dépenser. Parce que je dois moi aussi parvenir à un état astral de la corde raide de la lame de rasoir. Je n'en suis pas conscient, mais je dois parvenir à cette libération totale de la sécurité pour engendrer chez moi la libération totale de l'insécurité qui fera en sorte que je deviendrai un être obligé de m'assujettir à l'instantané. Mais si cette énergie ne m'appartient pas, je suis déjà assujetti à l'instantané. J'ai 62 000 $ en banque, mais elle repose dans mon compte. N'importe quand, elle peut cheminer dans ton compte. Ça ne m'appartient pas. Alors, je suis assujetti à l'instantané. Du jour au lendemain, on peut me drainer cette énergie comme elle peut rester. Mais je ne saurai jamais quand elle va partir. Alors, je suis sur l'instantané. La santé, on doit marcher sur une corde raide. L'argent, on doit marcher sur une corde raide. Alors, il y a deux façons. Il y a celui qui, ne comprenant pas, dilapide sa santé, dilapide son argent. Qu'est-ce que c'est dilapider sa santé? C'est vieillir. S'appauvrir. Jusqu'au jour où il se dit, je peux mourir n'importe quand. Alors, je suis libre de la vie. Je suis sur la corde raide. Je ne sais pas quand ça va quitter, quand ça va rester. Je ne sais pas. Financièrement, j'ai toujours les entrées d'argent que j'ai besoin, mais j'en ai jamais plus. Je suis sur la corde raide. J'ai toujours ce que j'ai besoin d'avoir lorsque c'est nécessaire que je l'aille. Alors, vous êtes un initié. Vous êtes un grand initié. Lorsque l'humain comprend, lorsque la manipulation possessive de l'intelligence prend plus d'envergure, plus d'espace, plus de place, plus de temps dans l'illusion, alors tout commence à se stabiliser. Vous êtes sur la corde raide du point de vue de votre conscience parce que vous savez que, au millionième de seconde près, tout n'est rien. Alors, tout reste. Vous avez 5 000 $ en banque. Et ce n'est pas votre argent. Astralement, on vibre la liberté totale par rapport à cette énergie. Elle s'en ira peut-être. Elle grossira peut-être. Parce que l'énergie doit stagner quelque part. Elle doit servir. Mais elle ne peut servir honnêtement que l'absurdité ou l'intelligence. Alors, elle stagne là où il n'y a pas de danger. Dans les humains très psychiques, rarement dans celui qui se conscientise. Parce que l'ego, se servant de la conscientisation, va devenir dangereux. Ou elle stagne là où il y a suffisamment de libéralité d'intelligence, de libéralité par rapport à l'énergie, qu'il n'y a pas de danger. Quand un humain a besoin, il tend la main et il prend. Quand un humain n'a pas besoin, il laisse les autres mains venir et prendre. Alors qu'il est libre. Alors lui est un initié. Il n'est plus un initiable. Il est un initié. Et pour devenir un initié, on doit passer par des initiations, des vérifications. Quelqu'un me dit, j'ai 5 000 en banque, et si je ne l'ai pas, ça ne me dérange pas. Alors moi, je lui dis, parfait, donne-moi-le. Il se secrète chez lui. Et le mental est suffisamment puissant pour faire un chèque. Il me le donne. Moi, je vais l'encaisser. Je prends l'argent. Il y a deux façons de finaliser l'initiation. Je m'achète une nouvelle automobile. Ou je vais aller devant lui, mettre le feu à son argent. Alors, cette énergie, elle semble être disparue. Pas disparue. J'ai brûlé du papier. Ça prend du temps avant que le gouvernement se rende compte qu'il manque de papier. Il va en émettre d'autres. Pour être équitable avec sa base, disons, c'est stock d'or. L'énergie est toujours là. Et je l'ai transmuée, je l'ai télépathisée, je l'ai téléportée ailleurs. Et l'initiation réelle ne revêt son caractère transformatif, c'est-à-dire ne revêt son caractère libérateur que si on a la faculté de laisser employer par un ego de l'argent. C'est la même chose pour la santé. La santé, c'est le corps physique de la matière. L'argent, c'est de la matière. Toute l'énergie que nous connaissons est de la matière. Ce que je parle s'adresse à n'importe quelle forme de matière. J'ai besoin du veston de quelqu'un, je lui demande, il me le donne. Il ne me le prête pas. J'ai plus besoin du veston, il reste à mon garde-robe. C'est à moi. Il me le donnait. Quelqu'un d'autre a besoin d'un veston, je lui en donne un. Je ne lui prête pas. Je lui donne. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Énorme. Premièrement, je n'assujettis plus ceux avec qui je vis à un karma. Je ne les endette pas. Vous prêtez un crayon à quelqu'un, vous l'endettez. Il vous le remet. Voilà. Mais karmiquement, il reste endetté, il est votre débiteur. Vous l'avez aidé. Ce sont des lois astrales, des lois humaines, des lois sujettes au vieillissement, des lois cumulatives. La preuve que vous l'endettez. Il vous l'a remis. Mais s'il vous l'emprunte 20 fois en dedans d'un an, et que vous ne lui en empruntez jamais, vous allez finir par dire, ben là, ça suffit. Sa dette est trop grosse. Et lui, pour réellement payer sa dette, va maintenant non pas vous rembourser, mais il devra vous prêter. Je te prête 1000 $, 10 000 $, et tu me rembourses 10 000 $. Mais peut-être qu'un jour, tu te sentiras l'obligation aussi de m'en prêter. On va dire, oui, bon, ben, tu me prêtes 10 000, je te rembourse 11 000. Mais si je te prête souvent 10 000, tu me rembourses souvent 11 000, il y aura un moment donné où tu te sentiras inférieur quand même. C'est pourquoi si nous voulons individuellement nous libérer du vieillissement physique, du vieillissement de la conscience, illusoire dans l'astral, c'est-à-dire que plus cette conscience vieillit, moins elle accepte le neuf. Si nous voulons nous libérer totalement pour être totalement libres, nous devons abandonner immédiatement toute illusion. Abandonner l'illusion ne veut pas dire prendre son linge et le jeter au cochon. Ça veut dire que lorsque nous plaçons de la matière sur notre matière, c'est ce que nous faisons. Nous plaçons des vêtements sur notre corps. C'est ce que nous faisons. Le corps ne nous appartient pas. Vie, mort, on s'en fout. on devient libre. Et on devient réincarnationnellement individuel. On devient réincarnationnable avec de la conscience et non plus assujetti aux réincarnations fusionnelles pluralitaires. On devient fusionnable. Ce n'est pas mon pied qui est brisé, c'est le pied de ce corps. Ce n'est pas mon argent que j'ai perdu. L'énergie circule et elle a décidé de changer de maison. Et on n'a rien à dire, rien à faire, ça ne nous regarde pas. Elle a toujours été libre, l'énergie. Vous avez eu la santé, vous l'avez perdue, vous l'avez retrouvée, vous l'avez perdue, vous l'avez retrouvée. Vous avez eu de l'argent, vous l'avez perdu, vous l'avez retrouvé, vous l'avez perdu. Ça bouge. Dans la réalité authentique des choses, c'est stable. Nous bougeons dedans. Parce que nous sommes à la recherche d'eux. Et nous sommes à la fuite d'eux. Nous bougeons. Et c'est là. Que les Japonais soient riches, ça ne me dérange pas, tant que l'énergie de la planète Terre est quelque part sur la planète Terre. Un jour, les Japonais perdront leur énergie. L'énergie va circuler, elle va venir vers les États-Unis. Les États-Unis vont monter vers le Canada, le Canada va se diriger vers le Québec. Et elle viendra se reposer dans mon coffre à banque pendant quelques temps. Ici, je reste totalement libre. En réalité, du point de vue énergétique, si je la laisse totalement libre, parce qu'elle peut partir quand elle voudra, elle ne se sentira plus obligée de partir. Il faut faire attention. Ce n'est pas un jeu de l'illusion. Parce qu'un jour, elle partira. Je ne sécrète rien. Elle fera un tour et elle reviendra. Je sécrète. Elle va revenir. Plus tard. C'est-à-dire que je devrais me déplacer astralement dans l'illusion pour aller rejoindre le coffre à banque plein. Nous n'avons jamais été jeunes et faites tous les efforts que vous voudrez, vous ne pourrez jamais prouver que vous avez été jeune. Vous faites l'expérience d'une expérience d'éclatement de conscience. Tout à l'heure, à l'entracte, levez-vous tous, sortez tous, puis observez que vous n'avez jamais été assis. Dites-le-vous pas. Vérifiez, vous êtes debout là, mais demandez-vous carrément, est-ce que je me suis réellement déplacé ou si je ne suis pas plutôt apparu là? Lorsque vous allez réellement, honnêtement vibrer du fait que vous n'avez jamais été assis, votre processus de vieillissement vient d'arrêter net. On ne le fait pas pour ça, c'est le résultat. Être sur la corde raide, c'est être instantané. C'est être. Si je suis, je ne peux pas avoir de réserve. Cela implique que si vous êtes, vous n'appartenez à rien et rien ne vous appartient. Alors, si certaines choses vous appartiennent, vous n'êtes pas. Vous êtes dans l'illusion de la forme. Total. Cela demande énormément d'ajustements à travers la conscience de l'ego, la conscience de l'astral. Parce que ce que je dis, dans la majorité des cas, c'est l'ego qui va essayer de l'appliquer, de le comprendre, de s'en servir. Ça ne marche pas. Je ne vous dis pas ce que vous devez faire. Je vous dis ce que c'est que d'être instantané. Pour certains, ça explique des choses. Il y en a qui, présentement, ne sont pas suffisamment sur la corde raide et s'en vont se pendre. C'est-à-dire qu'ils sont mécaniquement, ils peuvent changer les choses. Le moindrement qu'ils vont se libérer de ce qu'ils croient posséder, ils ne seront plus mécaniquement menés vers. Mais sans cela, ils vont vouloir s'acheter une automobile, c'est un exemple, faites des parallèles. Et l'automobile, eh bien, qu'ils veulent, il y a un acheteur qui est passé avant et qui a donné un dépôt dessus. Alors ils se disent, c'est pas pour moi. Première vérification. Mais ça reste chez eux, l'automobile. Et à un moment donné, on doit les amener vers la corde raide, alors on va s'arranger pour celui qui a laissé le dépôt, il n'achète pas. Et ça donne l'illusion que, bon, mais finalement, le trou, c'est fait pour moi. C'était dû. J'achète. C'est un moyen banque. Ça pourrit plus vite dans une automobile que dans un compte en banque. Il y a énormément d'événements qui semblent être exactement ce que nous avons besoin. Et ça semble être extrêmement intelligent, mais ce sont des traquenards. Parce que si on évolue dans la conscientisation, on n'a pas besoin de bien de choses. Tout va venir vers nous en temps et lieu. On n'a pas besoin d'aller vers. Je redis que dans la majorité des cas, c'est l'ego qui va essayer de gérer cette information. Et c'est un problème. Il y a des mécaniques pour savoir. On en parlera à un moment donné, des mécaniques de filtration. Mais la première chose, c'est d'être totalement désassujetti de ce que nous croyons posséder. Et pour cela, on doit changer sa structure linguistique immédiatement pour instruire son ego, pour se libérer. Dans le début, c'est compliqué. Par la suite, c'est comme jouer. Et finalement, c'est gagné. Je mets le manteau. Vu le manteau que j'avais quand je suis rentré, je le cherche. Mon corps a faim. Il y a quelque chose dans mon œil. Je n'ai pas quelque chose dans l'œil. Je ne te prête pas de l'argent. Si on parvient à changer sa structure linguistique, on va comprendre, l'ego va expérimenter et la conscience va percevoir l'énergie qui tourne. Et non plus vous qui, dans l'illusion, semblez gérer de l'énergie. Elle nous gère. J'ai eu une crevaison. La conscience n'a jamais de crevaison. T'as bien vieilli ces derniers temps? Réponse, c'est possible que mon corps vieillisse. C'est possible que le corps vieillisse. C'est supra-efficace à un point tel que je suggère au plafond ici de le. Nous sommes des passagers. Et nous sommes mauditement plus que qu'un corps de chair, qu'un pognon d'argent, qu'un temps de santé ou un temps de maladie. Votre corps est malade, votre corps est malade. Vous n'avez pas à vous en frustrer. Vous changez l'huile du moteur, occupez-vous du corps. Autant qu'on peut le réparer, autant qu'on peut l'entretenir. Ne prêtez plus rien à personne. Mais ne donnez qu'à ceux qui sont capables de donner. Ces dernières phrases sont les lois mécaniques pour que l'ego ne gère pas, mais que le mental gère. Ne prêtez plus à personne et ne donnez qu'à ceux qui sont capables de donner.